Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Cinéma, l'émission où on discute des actualités cinématographiques qui sont passées durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 39, enregistré le 23 avril 2020. Je suis Axel, votre hôte, comme d'habitude. On va parler des actualités du 2 mars 2020 au 15 avril 2020. Et pour m'accompagner dans cette tâche, j'ai avec moi un invité habituel du podcast qui est Eddy. Salut. Salut. Ça va bien ? Ça va bien. Ben nickel. Oui, ça, pour l'instant tout va bien. Pour l'instant tout va bien. Donc, pourvu que ça dure. Exactement. Voilà, c'est tout ce qui compte, on va dire. Oui. Ouais. De toute façon, comme vous allez pouvoir le voir dans les news, la pandémie actuelle joue pas mal sur, même énormément sur l'actualité cinématographique. Donc voilà, on en parlera bien sûr. Et puis voilà, on va essayer de parler d'autres choses aussi, de projets un peu qui n'ont rien à voir avec ça. Ça sera déjà un peu, ça nous changera un peu les idées. Du coup, je propose qu'on commence tout de suite avec une news concernant James Wan, qui avec sa compagnie de production va pour Universal développer un film de monstres. Une nouvelle itération de l'écurie Universal Monster, puisque récemment, vous avez pu écouter peut-être dans le podcast de Movies Nerd qui vient de sortir, que Morgan avait parlé de Invisible Man de Lee Whannell, qui est un pote de James Wan, pour le compte d'Universal, et ça a bien fonctionné. Et du coup, Universal ne veut... ils ont été un peu après le flop du reboot de la momie porté par Tom Cruise, ils sont... Et puis avant c'était pas le flop de Dracula, et Frankenstein aussi, il me semble. Frankenstein qui du coup n'est pas sorti, non. Enfin, il y a il y a eu des Frankenstein de sortie mais qui n'étaient pas liés au Monsterverse, au Dark Universe. Voilà, c'est ça. Donc ça, ils ont abandonné un peu. Du coup, ils abandonnent l'idée du Dark Universe. Et c'est pas plus mal, on va dire, hein, parce que... La momie, c'est pas... il y avait l'idée, après le film était pas ouf, c'est sûr, mais l'idée d'un... De mélange. Une société qui justement gérait un peu les monstres, les choses comme ça, c'était... l'idée était assez intéressante dans le film. Après, le film en lui-même était pas dingue. Oui. Mais l'idée derrière était sympa. C'était pas ouf, c'est sûr, hein, c'est clairement pour concurrencer Marvel et Warner avec DC, mais en soi ça se tenait à peu près. Ouais. C'est ce qui se tenait peut-être même le mieux dans la momie. Ouais. Plus que plus que l'histoire même de la momie, qui était un petit peu plus invraisemblable. Si on aime un peu l'Égypte ancienne et qu'on... Oui, d'accord. Bon, mais même le premier, la momie, est pas non plus il est quand même beaucoup mieux, mais Oui, il y avait déjà des invraisemblances dans le premier, mais contrairement à ce qu'on peut croire, il y a beaucoup de choses quand même qui sont assez véridiques. Mais c'est vrai que oui, celui-là était pas dingue, mais du coup, oui, le Dark Universe a l'air vraiment enterré. Ouais, ils sont... Est-ce que c'est pas mieux finalement que... Moi, je trouve que c'est mieux en fait qu'on se... En fait, c'est Peter Cramer, le responsable des productions chez Universal, qui a dit à travers l'histoire, les monstres de l'Universal se sont réinventés à travers le prisme de chaque réalisateur. Ils sont donc très excités à l'idée de privilégier une approche plus individualisée pour leur retour sur grand écran par des créateurs qui ont des histoires passionnées à raconter. Et moi, je pense que c'est mieux, quoi, clairement, de se concentrer sur... Pour une fois qu'un studio, un gros studio va vraiment prendre une décision intelligente et artistique... Oui, voilà, c'est ça. Au-delà d'une simple décision marketing, c'est vrai que pour le coup... Et honnêtement, oui, Morgan en parlait bien. Je pense que, pour le coup, ils ont vraiment su réinventer l'histoire de l'homme invisible avec Invisible Man. Donc, du coup... peut-être que la bonne piste, elle est là, et qu'ils vont enfin réussir à nous pondre un truc qui aura du sens. Et c'est vrai qu'une histoire de vampire, par exemple, un Dracula plus moderne, vraiment plus ancré dans notre époque... ça pourrait être intéressant, pourrait avoir de l'intérêt aussi. C'est ça, je pense que les monstres, on les a tellement vus dans leur contexte, dans leurs univers respectifs, qu'il y a peut-être... toutes les cartes à jouer sont peut-être justement de rendre ça plus contemporain, Oui, quoi. bah oui, c'est sûr. Il a aussi dit, du coup, Peter Cramer, que les remakes à venir seront ancrés dans le genre horrifique, sans restriction de budget, de ton et de classification. Donc ça aussi, C'est c'est cool. plutôt encourageant. Mais ce sera plutôt du coup sous la coupe de Blumhouse. Oui, sûrement, puisque Invisible Man est produit par Blumhouse, il me semble. Pour parler de Et qui ce... appartient à Universal du coup? Ouais, c'est une société secondaire d'Universal, il me semble. Si Je sais je... pas du tout. Enfin, Pour moi, c'était un truc indépendant, mais ça a peut-être été repris par ouais, enfin, Universal. là, je suis pas sûr de ce que... Je crois, mais je suis pas sûr. Donc, oui, pour parler de ce film, du coup, c'est pas James Wan qui va le réaliser. Pour l'instant, il n'a pas de titre. Ce film, il est scénarisé par Robbie Thompson, à qui l'on doit le script de la série Supernatural, diffusée sur la chaîne CW. Le film suivra les mésaventures d'une bande de jeunes ados, apprenant que leur voisin est en train de créer un monstre dans sa cave et seront bien décidés à l'en empêcher. Ce sera pas une, enfin, d'après lui, ce sera pas forcément une variation autour du mythe du baron Frankenstein et sa créature. Voilà. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. La chose qu'on sait, c'est que Wan et sa boîte de production ne chôment pas justement pendant ces derniers mois, puisqu'ils ont la post-production de son prochain film Malignant, qui sortira normalement le 20 août 2020 chez nous, en plus de la production de Conjuring 3, prévue le 16 septembre 2020, et aussi l'adaptation pour Netflix du roman horrifique There's Something Inside Your House, et enfin la production du nouveau film Mortal Kombat, dont la sortie est déjà calée le 17 février 2021. Voilà, donc il a pas mal de choses sous le coude, en plus du coup de ce nouveau projet pour Universal. Donc ça, enfin, moi en tout cas, ce projet de peut-être, c'est peut-être pas directement inspiré de Frankenstein, mais ça y ressemble quand même pas mal, mais de le moderniser, moi qui aime beaucoup le film original Frankenstein, ça peut que me plaire en fait. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils peuvent en faire. S'ils arrivent à transformer l'essai comme pour Invisible Man, je pense que ça pourrait être vraiment super quoi. Voilà. Après moi du coup, s'il part vraiment dans cette direction-là, oui, il y a vraiment des films que je vais avoir hâte de découvrir. Oui, genre Le Loup-garou, tout Oui, ça, c'est bah pareil. C'est vraiment ouais. des mythes comme ça qui seraient à dépoussiérer. Et, C'est vrai. même si Universal, avec Wolfman, où il y avait Benicio del Toro et Anthony Hopkins, ça avait réussi, moi je trouve, hein, le film n'était pas extraordinaire, mais ils avaient réussi quand même à remettre la créature, en tout cas, sur le devant de la scène et à faire un vrai film de loup-garou. Je sais pas si tu l'avais vu, mais J'ai vu des extraits, j'ai pas vu le film en entier, mais ça avait l'air plutôt sympa en fait, donc non, c'était bien fait et il y avait vraiment, y avait un espèce de romantisme aussi dans l'image qui était assez chouette, ouais. Ouais. Ben ouais, du coup Mais ça... du coup, c'est pareil, c'était un film qui se passait en Angleterre, en 1800, voilà. Donc bon, ça Oui, c'est toujours restait. ancré dans son époque. C'est ça, c'était pas. Je crois que le film le plus récent de loup-garou que j'ai vu, c'était Curse, je crois, de Wes Craven, mais vraiment le plus récent, récent. Donc, Mais ouais, c'est vrai que c'est toujours très. Enfin, le loup-garou, c'est très 19e, 20, enfin, ouais, 18e. Mais c'est C'est. l'avènement de ces littératures-là, c'est Oui, qu'il y c'est a eu. ça. C'est tout un héritage, en fait, de l'Antiquité, puis du Moyen-Âge, et puis en fait, il y a eu une grosse passion au début des années 1900 et vers fin 1800 pour tous ces personnages-là et cette romance-là. C'est pour ça qu'on a tout ce qui est Edgar Allan Poe aussi, Ouais, tout ça, bien sûr. c'est très ancré là-dedans. On aimait beaucoup le fantastique, en fait, et forcément, tous ces personnages-là s'y prêtaient très bien. Donc, c'est revenu sur le devant de la scène, et automatiquement, quand le cinéma a commencé à exister, c'est des personnages qu'on a mis en avant aussi. C'est pas pour rien qu'on a le Nosferatu là, de Murnau, qui est un des premiers films Oui, d'horreur c'est... de l'histoire, et qui est très bon d'ailleurs, en muet. Mais c'est vrai que tout de suite, c'est des personnages qui ont existé et qui du coup font vraiment partie aussi du patrimoine cinématographique. C'est vrai. Donc c'est bien qu'ils continuent d'exister. Alors après, la télévision s'en est bien emparée aussi. Oui. Hein, qu'on a, on a bon nombre de séries quand même avec des personnages, des créatures fantastiques. Ouais. On a la série Netflix, là, Dracula, par les créateurs de Sherlock. Oui, de Sherlock et de Doctor Who. Ouais. Je ne l'ai pas vu encore. Mais, Moi, je n'ai pas vu. A priori, il y a à boire et à manger. Ouais, hein, apparemment, les avis sont partagés. Si Ouais. Mais oui, je pense que c'est un sujet qui passionnera tout le temps. En fait. Oui, ça c'est clair. Donc c'est, il y a toujours moyen, en prenant les bonnes décisions, de, bah, de rendre ça. On l'a ça vu attractif, justement avec Invisible Man, le fait de l'ancrer, en fait de changer de vision sur, sur le personnage en faisant autre chose qu'un scientifique qui n'a pas d'intention malveillante. En en faisant vraiment quelqu'un avec des intentions malveillantes, ça change complètement la donne et ça réinvente le mythe. Et du coup, s'ils ont ce même principe, cette même vision sur d'autres mythes comme les mythes des monstres universels, ça pourrait vraiment être super, quoi. Donc voilà. Après, c'est sûr, il y aura des trucs plus compliqués. Bon, la momie, on ne verra pas ça. Dans cette direction-là, la momie, on ne le verra pas tout de suite parce que du coup, c'est trop récent. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que ce sera plus délicat à mettre en scène, je pense. C'est parce que là, pour le coup, on est vraiment dans le folklore. Dans le... Oui, voilà. Ouais. L'homme invisible, Frankenstein, je pense qu'il y a de quoi faire aussi. La créature des marais aussi, Swampy. Oui, également. Mais après, même si c'est pareil, c'est comme le loup-garou, c'est très. On est vraiment sur du folklore, quoi. C'est clair, Mais pourquoi pas. Non, ça pourrait être sympa, franchement. Mm-mm. Et aussi le fantôme de l'opéra, hein, qui fait partie des monstres universels, et qui est d'ailleurs un très bon film. Enfin, il y en a plusieurs, mais ils sont souvent de très bons films, donc voilà. On va passer du coup à la suite avec une nouvelle bande-annonce pour Soul, le dernier Pixar qui était prévu de sortir le 19 juin 2020, mais qui a été repoussé au 20 novembre 2020. On espère qu'il sortira à cette date-là. Moi, je pense quand même. Oui, quand même. Après, tout va dépendre de la situation aux États-Unis, qui va jouer sur beaucoup de choses. Exactement. Et vu comme c'est parti, c'est mal engagé chez eux, pour l'instant. C'est clair. La nouvelle bande-annonce, on en apprend beaucoup plus sur le film. On savait qu'il s'est déroulé à New York. Il est mis en scène par Pete Docter, hein, qui a fait Là-haut, Vice-versa. Du coup, le personnage principal, Joe, pense que son rêve est désormais à portée de main, qui est de... alors, j'ai pas suivi à 100% à ce moment-là sur la bande-annonce, mais je crois qu'il va diriger un orchestre qu'il a toujours c'est rêvé ça, de diriger. Voilà, c'est ça, un orchestre de jazz. Oui. Et du un coup, jazz band. Voilà, c'est ça. Et en faisant pas attention, en étant égaré, un pas malencontreux l'expédie dans un endroit fantastique où il est obligé de réfléchir à nouveau sur la signification d'avoir une âme. C'est là qu'il se lie d'amitié avec 22, une âme qui ne pense pas que la vie sur Terre soit aussi bien que ce qu'on veut bien lui en faire croire. Du coup, on a de nouvelles images qui laissent présager un film un peu dans la lignée de Vice Versa. Le titre du film fait d'ailleurs à la fois référence à l'âme, Soul en anglais, et à la musique. La soul music. Voilà, c'est ça. Tina Fey, en anglais, double 22, tandis que Jamie Foxx, aussi en VO, prête sa voix à Joe. La VO a l'air vraiment super, d'ailleurs. Ouais. Dans la bande-annonce, Jamie Foxx, ça colle parfaitement c'est clair. Il est vraiment... au personnage. Ouais. En plus, c'est le premier acteur noir à doubler le héros d'un film Pixar, donc c'est quand même quelque chose à signaler. Hein. Et Pete Docter a révélé récemment l'idée, comment l'idée lui est venue. C'est au moment où son fils est né. Dès sa naissance, il a ressenti qu'il avait déjà une personnalité et il se demandait d'où elle venait. Il pensait qu'une personnalité, ça se développait en fonction de l'interaction qu'on avait avec le monde qui nous entoure. Or, il a remarqué que dès sa naissance, il y a quelque chose d'unique et de spécifique qui est déjà inscrit en chacun de nous. Donc voilà, c'est la seconde fois où le réalisateur s'inspire de ses enfants pour donner naissance à un film, puisqu'il avait déjà en voyant sa fille grandir et devenir adolescente et en partant de l'interrogation que peut-il bien se passer dans la tête de nos enfants lorsqu'ils grandissent, il avait donné du coup Vice Versa qui on connaît le succès et la réussite de et ce la, film. La qualité. Voilà, c'est ça. ça a l'air de prendre le même chemin. Ça a pour l'air de prendre donc, le même chemin. Bon. Ouais. Du coup, la bande-annonce, toi, tu l'as vue, t'en as pensé quoi? Bah déjà, bon, ouais. C'est, voilà, on en revient toujours visuel, au même avec Pixar, hein, c'est que visuellement, bon, bah, tout de suite, c'est frappant, quoi. En Là, plus, on j'aime est bien le mélange. sur du photoréalisme. Ouais. Tous les décors sont très, très, très vrais. Et Pour ce les qui est de la partie personnages. humaine, enfin, partie. Voilà, les personnages sont plus dans le cartoon, mais on reste sur des proportions. On n'est pas sur les personnages avec des grosses têtes, des gros Oui, yeux c'est comme ça. Disney. On est plus sur du. On va être sur des personnages qui vont avoir des proportions beaucoup plus Réaliste. cohérentes. Mais qui les empêche pas de garder ce côté cartoon et très attractif aussi. C'est vrai. Donc c'est assez cool. C'est assez cool. Là-dessus, on se rapproche un petit peu du voyage d'Arlo, Ouais. en fait. Oui, bah oui, clairement. C'était celui qui montrait avec ses décors hein, qu'il arrivait, enfin, Bah, le ils arrivaient voyage clairement à d'Arlo, du oui. photoréalisme sans Bah aucun souci. oui. Les Ouais. plans larges du voyage d'Arlo, honnêtement. Ouais. Il faut comparer deux images entre un vrai décor et un décor du film. À quelqu'un qui ne le sait pas, je reste persuadé qu'il y a moyen de confondre C'est clair, l'image du film et une vraie image. ouais. Hein. C'est vrai. Oui. Et là, oui, on part sur le même truc. Et puis bah, après, il y a tout le sujet derrière qui se développe. Et l'univers fantastique autour des âmes et de leur création, de leur apprentissage, tout ça a l'air vraiment intéressant aussi. Et donc c'est vrai que du coup, ça rappelle beaucoup Vice Versa, Ouais. mais je pense pas qu'il y aura. Enfin, j'attends pas une Reddit. C'est Non, non, pas ce qui se dégage je du pense truc. C'est pas. vrai que les personnages se ressemblent un peu parce qu'ils ont un peu les mêmes aspects. Ils sont humanoïdes, mais avec ce côté, ouais, je sais pas, j'aurais pas. C'est assez conceptuel. Donc du coup. Du coup, oui, on verra, mais pour l'instant, en tout cas, la bande-annonce est très engageante, ça c'est sûr. Non, mais c'est ouais, j'ai exactement pensé la même chose. Visuellement, j'aime beaucoup le monde humain. Il est La enfin, ouais, photographie, quoi. photoréaliste, magnifique. Ouais. Voilà. Mais le monde fantastique aussi a l'air vraiment super sympa. Et en plus, on voit quand, du coup, parce que Joe, quand il meurt, enfin, on pense qu'il est mort, quand il tombe dans de. Enfin, voilà. Il se retrouve dans ce petit corps qui est son âme. Mais il va se retrouver du coup, enfin il va tomber à un moment et il va se retrouver là où on crée les âmes avant de les donner aux enfants qui naissent. C'est ça la base du film. Et au moment où il tombe, on passe. Enfin, il y a des effets visuels qui sont vraiment super sympas en 2D, etc. Et même Un peu, oui, les. on avait ça dans Vice Versa Ouais. avec la scène du quand ils doivent C'est rejoindre le ça. train. Ouais. Et moi j'avais adoré cette scène parce que je me suis dit. Mais ouais, ils ont vraiment osé faire ça parce que c'est pas un truc enfin c'est un truc qu'on verrait dans un film conceptuel quoi, mais pas un film grand public. Et là vraiment, on a l'impression qu'ils vont encore jouer là-dessus et c'est vraiment super sympa. Ce qui est aussi à noter, c'est que les personnages qui gèrent un peu ce monde sont aussi en 2D un peu. Ouais, C'est ça qui est c'est assez vraiment, intéressant. c'est très Voilà, particulier. ils sont. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et enfin, c'est fou, quoi. Parce qu'à chaque fois, avec Pixar, on se dit, bon, ben, ils vont pas nous réinventer encore quelque chose. Et finalement, enfin, ces personnages, moi, j'ai jamais vu enfin, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, en fait, chez Pixar, la réinvention de quelque chose qui pourrait pas être banal et qui Et puis pourrait. c'est surtout qu'on pourrait se dire que ça tient vraiment que du concept pour dire, vous voyez, on fait un truc de nouveau, mais Ouais. c'est qu'en plus dans le film, ça aura une logique. C'est On le ça. sait d'avance, Ouais. c'est que c'est pas juste fait comme ça parce que c'est sympa et c'est rigolo de faire des personnages en 2D à côté de personnages en 3D dans un décor 3D. C'est parce que ça aura un sens, en Oui, c'est fait. ça, clairement. Donc c'est ça qui est. Quand tu vois la bande-annonce, c'est encore plus génial de se dire ils font ça, Ouais, alors c'est encore plus qu'est-ce qu'ils vont nous intrigant. amener avec ça? C'est ça. Et puis on sait que de toute façon Pixar ne dévoile jamais l'entièreté enfin, de son intrigue dans les bandes annonces. Donc Oui. c'est pour ça que ça rend le film encore plus. Honnêtement, moi je suis très très très impatient de le voir. Et d'avoir vu cette bande annonce, ça m'a encore plus chauffé que je l'étais de base. Donc voilà. Non, franchement, ben vivement, vivement le 20 novembre, du coup, pour qu'on puisse voir tout ça en salle. Voilà. Du coup, on va passer ensuite à la prochaine news qui concerne la version Disney live de Peter Pan. Puisque Variety a dévoilé le nom des deux acteurs principaux du film qui s'appellera Peter Pan et Wendy. Du coup, les jeunes acteurs sont Heather Anderson, qui est la fille de Mila Jovovich, et Paul W.S. Anderson, qui a la même gueule que Mila Jovovich, qui sera d'ailleurs à l'affiche de Black Widow, puisqu'elle joue Scarlett Johansson jeune. Elle a aussi joué dans Resident Evil Final Chapter. Et du coup, elle jouera Wendy. Et Alexander Moloney, qu'on a pu voir dans la série de Reluctant Landlord, une série Disney Junior. Je ne connais pas cette série. Voilà, c'est une série qui vient de Grande-Bretagne, donc voilà. Il a l'air assez jeune hein, quand même. Sur la photo qu'ils ont choisie, sur la news, je sais pas, on a l'impression qu'il a 8 ans. Ouais. Donc voilà. Ils sont assez jeunes. Ils sont plutôt jeunes. Le tournage aurait dû commencer prochainement, mais bon, voilà. On verra quand ça commence. S'il avait été question que le film se destine à la plateforme Disney+, comme La Belle et Clochard, comme le rappelle Variety, Peter Pan et Wendy se destineraient bien pour le cinéma. Ouais, pour le cinéma, quoi. Disney a plus choisi de le mettre au cinéma. Donc voilà, le film sera réalisé par David Lowery et coécrit par Toby Albrooks. Donc David Lowery qui avait réalisé de mémoire Peter et Elliot le dragon. Il me semble, c'est ça. Ouais. Je crois. Alors, je vérifie rapidement, mais il me semble. Il avait réalisé A Ghost Story, ça c'est sûr. Ouais. Je crois qu'il avait réalisé Peter et Elliot. C'est ça. Ouais. Exactement. Les amants du Texas, tout ça, oui, c'est lui. Ouais. Ok, donc voilà. Du coup, il connaît l'univers Disney. Il a déjà adapté un film en live. Même si. Bon, et le, qui a d'ailleurs été assez apprécié, qui n'a pas extrêmement marché, mais qui a été assez apprécié justement pour. De manière générale, qui a quand même assez plu. Ouais. Parce qu'il s'écartait à la fois du premier et pour moderniser un peu tout ça. Moi j'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment en salle. Ouais, moi j'avais une belle un peu histoire moins... assez émouvante, je trouvais. J'avais un peu moins aimé, mais j'aimerais bien le revoir pour me. Je crois qu'il est sur Disney. Oui, il est de toute façon. Hein. voilà. Moi personnellement, Peter Pan, j'aime vraiment pas. J'aime pas le dessin animé. J'aime pas le personnage de Peter Pan parce que je trouve que c'est un sale gosse, tout simplement. C'est ça. Je sais pas, il m'apporte aucune sympathie. Pareil, exactement. Ouais. L'univers pourrait être sympa, mais je sais pas. Le fait que. Je trouve que Capitaine Crochet, il se fait maltraiter par un enfant et c'est triste, quoi. Un peu, oui. Voilà. Un petit peu. Et, j'ai du mal avec ce film, beaucoup. Et le fait de faire une version live ne m'intéresse absolument pas. Déjà, les versions. Du coup, enfin, Hook, c'est un des seuls films de Steven Spielberg que je n'ai pas vu. Encore. J'arrive pas à me. À te motiver. À le voir. Pour... Donc, bah oui, parce que tu sais que c'est Peter Pan, quoi. Donc du coup. C'est ça. c'est un peu compliqué. Et il y avait aussi eu Pan de Joe Wright, que Morgan avait plutôt apprécié, mais que je n'ai pas vu non plus. Parce que, oui, voilà. Moi non plus, et puis je pense que je le verrai pas. Comédie musicale, non. C'est... Ah oui, en plus, c'est une comédie musicale. Ouais. Et en plus il y avait eu le seul du coup Peter Pan live que j'ai vu, c'était celui qui est sorti en 2004 de P.G. Hogan, qui m'avait traumatisé au cinéma, je me rappelle. J'avais 9 ans et ça m'a traumatisé, je sais plus pourquoi. Il y avait plein d'images étranges qui enfin je sais pas. Ouais, moi je l'avais vu aussi, mais pas au cinéma, je l'avais vu après. Ça m'avait pas un petit peu forcé à le voir. Alors oui, les musiques sont jolies, c'est sûr, mais alors le film en lui-même Ouais, je sais non, pas. Non, Peter Pan m'emmerde, vraiment. Donc t'es pas du tout emballé non plus par cette idée d'un Disney live, Peter Pan. Ah. En plus, le fait qu'il sorte au cinéma, c'est que Disney y croit vraiment, quoi. Donc, c'est ça. Bah, mais après, Peter Pan au sein de Disney est très très populaire. Hein. Oui, il y a aussi la fée Clochette qui est quand même. Et Clochette est très. Enfin, Clochette est d'ailleurs l'emblème de Disney. C'est Clochette qui illumine le château partout. C'est vrai. Et puis, enfin, la fée Clochette a fait au minimum 5 films récents là. Tous les films Clochette que je n'ai pas vus encore. j'ai pas très envie de les voir. C'est plus un. Si c'est plus un truc pour petites filles, je pense, petits garçons, vraiment assez jeunes. Ça a l'air d'être plutôt des films très jeunes, de jeunesse, plutôt que des films d'animation. En plus, c'est la plupart des trucs sont des trucs de Disney Toon, donc direct au DVD et tout ça. Donc ça, enfin voilà, ça me tente vraiment pas. En plus, l'univers, quoi, déjà de base. Donc voilà, bon. Peter Pan et Wendy, ce sera, je pense, sans moi. Ou alors, faudra vraiment. Moi pareil. Hein. Honnêtement, je suis pas. je suis pas parti pour le voir non plus. Hein. Honnêtement, j'attends quand même de voir une bonne annonce à quoi ça va ressembler. Mais ouais, c'est. Je pense que ce sera vraiment. Non, je préfère revoir Neverland. Oui, ce sera vraiment une histoire qui ne me passionnera jamais. Neverland était bien quand même. Je l'ai pas vu. Avec Johnny Depp et Kate Winslet, non, c'était pour le coup c'était bien, mais c'est vraiment sur celui qui a écrit en fait Peter Pan. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Oui, c'est plus une histoire sur l'auteur du coup que sur. C'est un peu, disons que c'est comme dans L'ombre de Marie quoi, dans le même style. Ouais, je vois. Et c'est vraiment pour le coup c'est vraiment un beau film. Ok, ouais. D'accord, bah je me le note. du coup, passons à la suite avec un autre film Disney qui nous tente un peu plus déjà, puisqu'il y a eu une nouvelle bande-annonce pour Jungle Cruise, qui est le troisième attraction Disney à être adaptée sur grand écran après Pirates des Caraïbes et Le Manoir Hanté. On a eu le droit à un nouveau trailer assez spectaculaire. Donc le film, clairement, le film bien axé sur le sur l'action, sur l'efficacité et l'action. Ouais, c'est clair. Puisque la première bande-annonce, on avait quand même plus de l'ambiance vraiment, alors que là on voit vraiment pas mal de scènes d'action. Donc pour rappel, le film se déroule dans les années 1920 et raconte l'histoire d'un équipage de bateaux à la recherche d'un arbre magique qui aurait le pouvoir de guérir Sur l'Amazon, hein, voilà, c'est ça, voilà. Comme dans l'attraction originale, les personnages devront affronter des animaux sauvages et les membres d'une expédition concurrente. C'est Dwayne Johnson elle est où Emily Blunt. Emily Blunt, oui. Voilà. Oui. J'ai eu un blocage là. C'est du coup Dwayne Johnson et Emily Blunt qui seront les rôles principaux de ce film. Voilà. Et le film avait déjà. Enfin, il y a eu une longue période de post-production. Il avait été repoussé. Il était prévu de sortir le 29 juillet 2020. Il a été décalé à juillet 2021. Toi, tu avais marqué peut-être que c'est sur Disney+, mais je sais pas. Il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qui ont circulé un petit peu. On ne sait pas. D'accord. Est-ce que c'est un film auquel ils vont assez croire pour le laisser au cinéma, ou est-ce qu'ils feront comme Artemis Fowl et qu'ils le mettront sur Disney+ Ouais. On verra. Moi, je pense qu'avec une date repoussée à l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'il débarque sur Disney+ avant. Ah ouais ? Tu penses ? Ouais. Ouais. D'accord. Moi, je pense qu'ils y croient vraiment. Enfin, ils ont mis pas mal de billes dans ce film et que peut-être que, justement, ils vont peut-être le décaler d'un an pour pouvoir le sortir au cinéma. Ils ont fait le coup avec Artemis Fowl, quoi. Hein. Donc, ouais. Après, le truc, c'est qu'Artemis Fowl, c'était un projet original dans la même veine que Tomorrowland. C'est ça, et puis t'en entendais moins parler quand même que Jungle Cruise. Voilà, hein. Et Jungle Cruise, il y a déjà la popularité en fait, de l'attraction qui va jouer pour lui. Parce que c'est toujours une attraction très populaire dans les parcs Disney. Oui. Donc a priori, ça pourrait quand même aider le film, nourrir la promo du film aussi. Mm-hmm. Et nul doute qu'ils vont certainement accentuer d'ailleurs la promo dans les parcs Disney autour de l'attraction pour promouvoir le film. Ça, oui. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on voit Dwayne Johnson et... Emily Blunt. Et Emily Blunt se promener dans les parcs Disney aux alentours de l'attraction pour avoir un petit peu de promo, Oui, comme ils l'ont fait avec Johnny Depp, voilà. Donc, je sais pas. Après, Disney croit aussi bien à sa plateforme. Donc, oui, bon. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, entre les revenus cinéma et les revenus Disney+, je ne sais pas lesquels ramèneraient le plus de sous. Bah, je pense que Disney+, mais... génère quand même pas mal de billets, malgré oui, tout. Oui, c'est sûr. Mais est-ce que c'est assez conséquent? Je ne sais pas. En tout cas, le film est réalisé par Romé Colé-Serra, oui. Qui, c'est un Espagnol, qui a réalisé Esther, Non-Stop et The Passenger. Donc des films qui n'ont absolument rien à voir avec l'univers Disney. Non, mais qui ont tous des univers visuels assez marqués. C'est clair, ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça colle assez bien à Jungle Cruise. On le voit déjà dans cette bande-annonce que l'univers visuel est déjà très travaillé. Juste la colorimétrie, pardon, l'étalonnage, tout ça, enfin, je trouve ça magnifique déjà. Tu as des teintes de verte comme ça qui sont vraiment très caractéristiques. Et du coup, le film a vraiment une identité visuelle déjà. Rien que dans la bande-annonce, donc c'est plutôt bien parti. Et en plus, visuellement, ça en jette, quoi. Les scènes d'action sont vraiment cool. T'as vraiment... Ouais, bon, après, il y a des effets un petit peu cheap. Ouais. Hein. Bah après, les serpents, tout ça, c'est pas ouf. Les serpents, c'est pas une panthère. Le jaguar. Le jaguar, ouais. Le jaguar est pas hyper bien modélisé. Mais bon, après, on peut se dire c'est que c'est aussi... pas beau, mais on voit que c'est faux, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On peut se dire que c'est aussi dans une bande-annonce et que parfois, on est habitué à ce que les effets soient retravaillés plus tard. Sachant qu'en plus de films... Il y a un truc un peu bizarre dans la bande-annonce, c'est le jaguar qui casse les verres en marchant sur le comptoir. Ouais, oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Sans les faire tomber, juste en les touchant. Ouais, ouais. Donc, bon, c'est assez... Il y a vraiment des patounes assez, assez costauds. Ouais, c'est clair. Il se fait pas mal ça en plus. Ça m'a un petit peu surpris. Oui, ça m'a un peu surpris. Heureusement que le chat n'est pas comme ça à la maison, parce que sinon, on va devoir faire du stock de verres. Ouais, c'est clair. Non, mais du coup, ça m'a fait beaucoup penser... Enfin, c'est vraiment un film d'aventure qui a l'air... Enfin, ça manque au cinéma, ce genre de film, ouais. Tu vois. Vraiment fun, oui, vraiment familial. Et ça, ouais. On est vraiment dans ce style. C'est ça, ouais, et total. Et du coup, ça manque un peu en ce moment, et je pense que ça fera du bien. Vraiment oui, de... c'est clair. De l'actionneur familial. Plaisant, avec quelques petites blagues de temps en temps, comme on l'a vu à la fin de la bande-annonce. Qui sont... À la indie, un voilà, petit c'est peu. Ça. À... Exactement. Moi, ça m'a rappelé aussi beaucoup, c'était très Disney, c'était les Benjamin Gates. Oui, exactement. Voilà, dans le même style. Et moi, j'aime beaucoup. Ouais. C'est des films que je revois avec plaisir. Parce c'est pas Disney qui l'a fait Si, si, c'est Benjamin. Oui. En fait, c'est, ouais. C'est Touchstone. Oui, voilà. Du coup, filiale de Disney, ouais, voilà. L'une des nombreuses ouais, filiales de mais Disney. Tellement nombreuses. Ouais. Non, je dis des conneries. Non, c'est Jerry Bruckheimer. Ah, Jerry Bruckheimer, pardon. Ok. Ouais. Et c'est pareil, c'est des films comme ça qui sont assez bon enfant, mais qui en même temps sont suffisamment bien faits pour qu'on se laisse porter par le truc. Oui, donc, oui c'est moi, clair. Moi, ça me plaît bien, quoi. Ouais. Donc, et oui, clairement, on est dans les mêmes... On est dans le même genre, même ouais. Genre de produit là, donc. C'est clair. Et puis ouais, non, c'est sympa. Et puis Disney, ils savent ce qu'ils font quand ils font ce genre de film. Ils ont ils ont l'expérience. Ça. Moi, je suis. En fait, au début, j'étais plutôt réticent. Enfin, c'est pas que j'étais réticent, mais je connais pas l'attraction et ça m'intéressait pas plus que ça. Et plus je vois des images de ce film, plus ça m'intéresse. Et plus je me dis, ça pourrait vraiment être sympa. Toi, je pense que t'es aussi intéressé par ce film. Mais moi, déjà, j'aimerais vraiment bien faire l'attraction parce qu'elle n'est pas disponible chez nous. Ouais, elle est pas en Disney. Elle est pas dispo en France. Disney elle Londres, est dispo, dans le reste du monde, elle est dispo quasiment partout. Partout, même à Singapour. Sauf en Chine, je crois qu'elle est pas en Chine, mais okay. Il me semble qu'elle est au Japon et aux États-Unis. Mais nous, on l'a pas pour une raison débile que je comprends pas trop. C'est qu'a priori, bon, ils disent qu'il y a pas la place, alors que beaucoup de place ouais. Autour du parc Disney qu'a priori, il fait trop. Place de parking, en fait en France l'hiver comment t'enlèves quelques places de parking c'est bon c'est ça ouais voilà c'est ça et qu'a priori oui il ferait un peu trop froid en France l'hiver ce serait trop pluvieux pour une attraction aquatique comme ça mais bon ouais. Ce qui n'empêche pas Astérix par exemple d'avoir des Europa Park hein, qui voilà qui est... oui. Ouais. De, de présenter bon, exactement la même chose quasiment C'est une fausse excuse, je pense que on l'aura malheureusement jamais chez nous parce que c'est une attraction assez ancienne et ouais. Qui, du coup c'est le genre d'attraction qu'on implante directement quand on crée un parc Disney. mais qu'on refait pas plus qu'on tard. Refait pas spécialement après. Je pense qu'ils vont plus axer sur de la nouveauté ou sur les franchises comme ils vont le faire pour Star Tour. Non, si je veux la faire, je sais qu'il faudra que je voyage à travers le monde, mais bon, ça justifie pas un voyage. Du coup, oui, le film a l'air vraiment bien, autant que l'attraction a l'air de l'être aussi, quoi. Mm-hmm. C'est clair. Donc voilà, on est impatient de pouvoir voir ça, que ce soit en juillet 2021, soit plus tôt sur Disney+. Voilà. Du coup, on va reparler un peu de tous ces problèmes de décalage de sortie. Suite aux mesures de confinement, les salles de cinéma ont été contraintes de fermer leurs portes jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, s'il y a des gérants de cinéma qui nous écoutent, gros courage à vous, parce que ça ne doit pas être super. Et moi, d'ailleurs, j'ai très peur pour mon petit cinéma que j'adore, et qui, je ne sais pas s'il va survivre cette période. On verra bien quand ça devra rouvrir. Afin de préserver l'activité du secteur, le CNC propose de sortir les films directement en e-cinéma, ce qui bouscule la chronologie des médias, la célèbre, la fameuse. Pour les films déjà sortis en salle avant le confinement, il est interdit de les sortir en e-cinéma avant 4 mois. Toutefois, un dispositif juridique pourrait être trouvé afin de permettre leur exploitation en ligne. Concernant les longs métrages qui devaient sortir prochainement, rien n'empêche de les rendre disponibles en e-cinéma. Le CNC doit juste s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle bureaucratique empêchant l'exploitation de ces films en ligne. Mehdi Barsaoui, un producteur de Un Fils, qui est sorti le 11 mars, déplorait le fait de n'avoir pu connaître que 4 jours d'exploitation. Ce dernier affirmait sur Twitter être favorable à la sortie des films en VOD en attendant la réouverture des cinémas. La chronologie des médias est un sujet sensible et âprement débattu dans le secteur cinématographique. La crise du coronavirus pourrait accélérer cette discussion, déjà largement entamée avec l'avènement des plateformes de streaming. Ces dernières pourraient voir les règles de la chronologie des médias assouplies en contrepartie d'une participation au financement du cinéma français. Dominique Boutonnat, président du CNC, se veut rassurant pour l'ensemble des acteurs des filières du cinéma et de l'image animée, dont l'activité est fortement affectée par la situation. Il dit « Le CNC sera à vos côtés à chaque instant, aussi longtemps que la crise durera. C'est l'essence même du CNC depuis son origine, de soutenir l'ensemble de la filière dans ce contexte difficile. » Une dernière chose, la crise liée à la propagation du Covid-19 risque de laisser des petits cinémas sur le carreau et d'impacter durablement les activités liées au secteur du tournage des films à l'exploitation. De nombreuses productions ont en effet déjà stoppé leur prise de vue jusqu'à nouvel ordre afin de se plier aux mesures du confinement. Voilà. C'est une news qui date du 16 mars 2020, qui a été écrite par notre cher Vincent, que je salue. Mais oui. Voilà. On n'a pas vu non plus. Enfin, il y a quelques sorties quand même de films qui étaient censés sortir en salle, qui sont sortis en e-cinéma, mais ça reste encore assez timide. Je pense que clairement là actuellement la seule manière de contrer ça c'est soit de repousser jusqu'à mi-juillet et en même temps on n'est pas encore sûr la certitude exactement que ça sera bon en mi-juillet, c'est la problématique surtout et au-delà même du cinéma, tous les secteurs en fait tout ce qui tient au tourisme et même au magasin, y a vraiment c'est l'incertitude de savoir quand est-ce que tout pourra reprendre, quoi. Exactement. C'est clair que là, on parle plus de cinéma, et bien sûr, ça impacte pas. Mais du coup, oui, tout le monde est impacté de la même manière. Exactement. Mais du coup, le fait que le CNC déjà se prononce là-dessus, c'est plutôt encourageant, on va dire, parce que ils sont souvent assez réticents, ils aiment beaucoup la chronologie des médias, et en même temps, on peut les comprendre, parce que c'est ce qui permet un peu de les faire vivre, puisque c'est quand même, c'est principalement Canal+, TF1, M6, toutes les grosses chaînes télé françaises qui permettent de faire vivre le cinéma français, puisqu'ils produisent en masse, justement pour pouvoir avoir le droit de diffuser les films avant les plateformes de streaming ou en VOD Voilà, mais cette crise justement amène d'autres problématiques, enfin, et peut-être des solutions sur sur cette fameuse chronologie des médias. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais personnellement, moi, mon avis, c'est ça, honnêtement, juste peut-être le temps que les cinémas sont fermés, ce serait une bonne chose d'assouplir au moins les règles un peu. Moi, je pense que la solution, pour l'instant, elle est là. Ouais, Elle est à court terme, voilà, elle c'est n'est pas ça. définitive. Non. Mais que oui, l'une des solutions, si on veut que ça continue de fonctionner, c'est vraiment oui, de proposer ces films-là maintenant, de cette manière-là. De toute façon, les producteurs savent qu'ils vont faire moins enfin, ils savent qu'ils vont faire moins d'argent que C'est sûr, prévu ça c'est avec la clair. crise actuelle. Mais permettre la sortie de ces films en e-cinéma ou même en VOD, juste à la location et pas à l'achat définitif, permettrait déjà de sauver une partie des meubles, quoi. C'est Et je sûr. comprends pas que ça soit pas plus appliqué que ça, en Ouais, fait. voilà, c'est ça, c'est complètement ça. Et c'est bon, après, on va dire que le gouvernement a d'autres chats à fouetter que le cinéma, c'est Bien clair. sûr, mais bon, je Mais ça pense fait qu'on partie paye assez aussi. de monde avec nos impôts au gouvernement pour qu'il y ait des décisions prises sur tous les C'est fronts. sûr, c'est sûr. Bon. C'est sûr. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, hein, je veux dire, ils sont pas payés à rien foutre, quoi, hein, entre guillemets. C'est Donc, sûr. c'est bien de prendre des décisions pour tout le monde. Puis, bon, on reste quand même sur c'est là, en ce moment, je pense qu'avoir de quoi s'occuper à la maison, c'est aussi d'utilité publique, C'est hein. vrai, c'est vrai. On est tous renfermés chez nous. Donc, y a de quoi faire, hein. Je pense que Netflix se frotte les mains Oui, bah et oui. Disney Plus aussi en ce moment parce qu'ils savent très bien que les gens sont contents d'avoir leur abonnement, hein. Oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, ben ouais, juste assouplir ces règles au moins le temps de que cette que les cinémas rouvrent, que ce soit juste voilà, que ce soit juste temporaire, ce serait au moins un pas en avant. D'autant plus que techniquement, quand les cinémas vont rouvrir, faire des salles pleines, ce sera pas possible, Non, en plus. sachant que moi je prends l'exemple de ce que j'avais à Mulhouse, du coup, qui est quand même le foyer où tout a commencé en France, quasiment. Les écoles avaient fermé une semaine avant la décision du gouvernement français, les cinémas, du coup, ne proposaient, enfin, disaient 50 personnes par salle maximum et espacés de 4 à 5 sièges. Voilà. Voilà, donc c'est ce qu'on avait une semaine avant la fermeture complète. Moi, j'y étais pas allé parce que j'avais d'autres choses à faire que d'aller au cinéma à ce moment-là. Mais du coup, je pense que de toute façon, quand les cinémas vont rouvrir, ce sera ce genre de choses Ah bah oui, il y qui vont aura être ces appliquées. mesures-là. Après, est-ce que ça s'appliquera aux foyers en eux-mêmes? Je pense pas. Mais je pense qu'un des membres du même foyer auront l'autorisation quand même de se Oui. mettre ensemble, parce que de Ah. toute façon, ça craint Non, rien. non, mais On oui. vit ensemble H24, mais c'est vrai que Ouais. les gens entre eux, les gens qui ne se connaissent pas, vont vraiment devoir respecter, ce qui paraît complètement logique. Mais du Oui. coup, ça inclut forcément Moins de moins de monde dans les salles, personnes ouais. dans les salles, donc moins de tickets à vendre et moins de recettes derrière. C'est Donc, ça. le e-cinéma a tout un intérêt. Même un petit peu après le confinement, C'est juste un sûr, retour ouais. complet de la vie normale. Et le retour est pas pour tout de suite, hein. Moi, je pense Oui. qu'on est dans des mesures de restriction et de distanciation sociale pour au moins un an, Ouais, si c'est pas deux, hein. c'est Donc, clair, c'est clair. oui, il y a des vraies décisions à prendre là-dessus. Mais dans tous les domaines, mais Oui, en bah l'occurrence, oui. pour le cinéma, il y a des décisions à prendre là-dessus aussi. Donc voilà, comme ça, enfin voilà, y a quelques news là-dessus. On va passer ensuite à autre chose complètement. La bande-annonce de Peninsula, qui est le 4 ans après le film d'horreur coréen Dernier Train pour Busan. La suite, même si le réalisateur, qui est toujours le même, Sang-ho Yeon, qui a précisé que Peninsula n'était pas une véritable suite, mais un film se déroulant dans le même univers, juste 4 ans après, avec ses propres références. Le metteur en scène avoue s'être inspiré de The Land of the Dead, Mad Max Fury Road, voilà, dans ce genre d'optique. Le film devrait sortir le 12 août, on verra. En tout cas, du coup, on a eu une première bande-annonce sur ce film. enfin du coup Peninsula parle d'un homme qui devait lutter pour rejoindre, enfin non pardon, je raconte n'importe quoi. Les événements du coup de Peninsula se déroulent 4 ans après le premier film. On y suit Jong Seok, incarné par Dong Won Gang, un ancien soldat ayant réussi à s'échapper de la péninsule coréenne infestée de zombies, mais ce dernier est forcé de retourner à Séoul pour une dernière mission. Il découvre avec stupeur que les personnes non infectées sont encore présentes et livrées à elles-mêmes. Pour rappel, Dernier Train pour Busan, ça a été quand même un succès critique et public qui avait totalisé plus de 11 millions d'entrées en Corée et plus de 92 millions. Ouais, ça avait été une sacrée surprise. Ouais, ouais, ouais. 92 millions de dollars de recettes au box-office international. Il semblait donc logique de voir une suite. Le cinéaste cette fois-ci a choisi de ne pas enfermer son héros dans un train, mais plutôt sur l'île, et d'en faire un soldat. La suite devrait donc différer du premier film. Voilà ce qu'on en sait. Toi, tu avais vu le Dernier Train pour Busan? Oui, ouais. J'avais bien aimé. T'avais bien aimé. J'avais bien aimé, et la bande-annonce est assez convaincante aussi, je trouve. Ouais. On est plus sûr de l'action, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Après, dans Dernier Train pour Busan, on présentait le début d'une épidémie. Et là, d'épidémie de zombies. Oui, bien sûr. Voilà. On est vraiment 4 ans après, c'est vraiment très développé. On voit des trucs vraiment bizarres. Il y a genre des combats à mort, enfin des genres d'arènes un peu gréco-romaines entre un homme et une genre de araignée zombie remplie, une espèce de masse de zombies, humains qui sont en forme d'araignée quoi et qui avancent. Enfin c'est chelou vraiment. Mais après ça tombe sous le sens aussi voilà. D'une société qui se réorganise et exactement ouais. Et où a priori c'est quand même la loi du plus fort qui règne. Oui c'est ça. Donc sur le papier, c'est pas hyper original, hein, non, honnêtement. Non. Mais bon, après, la qualité du premier était là, donc ouais. Oui. Et visuellement, ça a l'air quand même d'être assez abouti. Ouais, et puis tu vois que c'est pas un film de zombies américain, quoi, clairement. Non. Parce qu'il y a vraiment des idées très, très étranges, très à part. Et c'est pour ça que c'est génial, justement, de voir. De voir un film zombie coréen comme ça, donc c'est moi je suis assez assez content. J'avais bien aimé Dernier Train pour Busan, je l'ai revu en plus assez récemment et il tient encore la route franchement. Enfin la tension tout ça qu'il arrive à créer dans ce train juste entre les personnes et le fait de bon c'est un peu banal hein, parce que dans un film de zombies dire que le vrai ennemi c'est pas les zombies c'est les humains entre eux c'est pas nouveau mais la manière dont il arrive à le faire passer ça fonctionne toujours, c'est toujours très bien fait et sa réalisation est vraiment super bonne. Les scènes d'action étaient déjà plutôt cool dans Dernier Train pour Busan et là vraiment on sent qu'il s'est lâché complètement puisque là il est plus limité à un train, il est dans une ville complète à Séoul. Donc ça va être, je pense, assez dantesque en termes de scène d'action et ça a l'air très prometteur. Et je pense que Morgan est plutôt impatient puisque, on rappelle, Dernier Train pour Busan, c'était, il me semble, son film préféré de l'année 2018. Je crois, ou ouais. 2017, il est sorti en 2016, punaise déjà. ça passe vite. Il me semble que c'était son film préféré et je pense qu'il est plutôt... enfin, moi, en tout cas, je suis confiant sur cette suite. Voilà. On va passer à la suite avec un remake d'un film qui est un film culte loué par des générations de cinéphiles, dit la news d'Halluciné. La nuit du chasseur de Charles Lofton qui va être remaké. D'après Variety, Universal Pictures a pris les droits pour remaker ce film de 1955 adapté du livre de Davis Grubb. Pour en signer le scénario, le studio a engagé Matt Horton qui a scénarisé Opération Finale, un film Netflix que je n'ai pas vu. Le magazine ajoute que l'on sait très peu de choses de ce projet, mis à part qu'il devrait s'agir d'une relecture contemporaine de cette histoire. Pour rappel, La Nuit du Chasseur est l'unique réalisation de Charles Lofton, porté par un mythique Robert Mitchum, Ça suit l'histoire d'un prêcheur assez inquiétant qui poursuit dans l'Amérique rurale deux enfants dont le père vient d'être condamné pour vol et meurtre. Avant son incarcération, le père leur avait confié 10 000 dollars dont ils ne doivent pas révéler l'existence à personne et sont pourchassés sans pitié par ce pasteur assez psychopathe et ils sont abandonnés à eux-mêmes. Les enfants se lancent sur les routes, voilà, c'est un genre de road trip assez visuellement très intéressant qui est un film que j'adore. Si vous connaissez pas le film, je pense que vous avez déjà vu que ce soit, il y a pas mal de relectures de ce film, que ce soit juste sur les mains du prêcheur. Il y a deux tatouages sur la première main, il y a le mot love et sur la deuxième il y a le mot hate, et c'est quelque chose qui a été repris des milliards de fois, que ce soit dans les Simpsons avec Bob voilà, et Tahiti Bob pardon, de toute façon c'est, c'est le personnage en lui-même est une grosse référence à ça, hein. Oui c'est clair, ouais. Et du coup voilà, ce film, moi je l'ai découvert il y a 2 ans il me semble, et il est, je vous invite vraiment à le voir. En plus vous avez tout le temps normalement pour voir des films actuellement, donc voilà. Et je pense même qu'il est dans le domaine public maintenant. Il me semble, hein. Peut-être 1955, je sais pas vraiment, mais il doit être, il est trouvable très facilement. Je vous le conseille. C'est vraiment un film qui m'a marqué et qui m'a un peu traumatisé, hein, parce que Robert Mitchum, c'est un super bon acteur et il est traumatisant, franchement. Il m'a bien marqué dans son rôle, et le fait qu'il poursuive deux enfants comme ça, c'est assez atroce. L'histoire est vraiment atroce, mais en même temps géniale. Donc le fait de voir un remake, moi, me gêne pas spécialement, tant que c'est bien fait, on va dire, parce que le film est quand même assez ancré dans son époque. Il y a des choses qui sont... la manière dont le film est fait et dont les personnages sont présentés, c'est des choses qu'on voit plus trop à notre époque. Donc voilà, le fait de bien le réinventer de façon intelligente, pour moi, c'est une très bonne idée. Donc franchement, pourquoi pas. Et en plus, le fait de peut-être faire découvrir cette histoire à des gens qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Donc voilà, il faut trouver aussi un bon acteur qui puisse remplacer Robert Mitchum dans son rôle vraiment mythique. Et puis aussi un super réalisateur, parce que les scènes... Charles Lofton, même si c'est son seul film, ce qui est assez fou, son film était empreint néo-réalisme allemand. Vraiment, c'était. T'avais l'impression de voir du Murnau à certains ouais. plans. Et c'est. Je parle par exemple de les enfants qui sont sur la barque et qui avancent au fil de l'eau. Il y a des plans comme ça qui sont restés gravés dans la mémoire et qui sont vraiment sublimes. Donc voilà, moi je veux juste un bon réalisateur et un bon acteur qui puisse reprendre le rôle de Robert Mitchum, et je serais content. Voilà. Et tu verrais qui? Je verrai qui. C'est compliqué. Franchement, qui est-ce qui pourrait être sympa dans ce rôle? Tout de suite, il y a Joaquin Phoenix, il m'est venu en tête, mais c'est un peu le choix facile et évident. Woody Harrelson. Ouais. Ça pourrait être sympa. Ouais, même Woody Harrelson, je me verrais mieux. Parce qu'il avait bien joué dans La Planète des Singes, un peu le psychopathe. Ouais, il m'a bien marqué dans un rôle qui n'est pas similaire, mais dans Free Billboard aussi. Oui, aussi, ouais. Avec, d'ailleurs, comment il s'appelle? Celui qui joue dans Le cas Richard Jewell. Sam Rockwell, oui, justement. Ouais, ça pourrait lui aller aussi, ce genre de truc. C'est vrai, exactement. Donc oui, il y a plein d'acteurs qui pourraient vraiment être bons dans ce rôle. Il faut juste trouver le bon. Toi, tu as vu La Nuit du Chasseur ou pas du tout? Non. Tu l'as pas vu, d'accord. Non, non, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais non, je ne l'ai pas vu. D'accord, bah, pas de souci. Ben ouais, je peux. Mais il fait partie de De ta liste à de ma voir. to-do list, Ouais. de ma watching list. En plus, ouais, sur Sens Critique, dans les 101 films à voir, il est. Enfin voilà, y a pas Ouais. mal de bouquins qui représentent les 101 films à voir avant de mourir, Oui, etc. parce Et que il est bon, bon, si on a lui. des sens critiqueurs qui nous écoutent, mais je pense qu'il y en a, Oui. le film est noté 8 et quelques Ouais, sur voilà, Sens c'est ça. Critique. Donc en général, il n'y en a pas beaucoup qui vont jusque-là, hein, des Ouais, non, films, c'est très clair. honnêtement. Et souvent, ils se Donc, font descendre assez vite. oui. Donc, non, non, c'est clair que, voilà, moi, je suis plutôt content de voir un remake de ce film. Voilà. Bon, ben, on va passer à la suite avec des news concernant le festival d'Annecy, puisque du coup, le festival d'Annecy aurait dû se dérouler du 14 au 19 juin 2020, mais voilà, avec les circonstances actuelles, le Festival d'Annecy a annoncé qu'ils sont résignés à annuler l'édition 2020. Néanmoins, ils vont mobiliser les studios et les professionnels pour proposer une version en ligne, avec un accès aux œuvres ainsi qu'à du contenu exclusif et inédit en dépit des circonstances. La sélection de cette programmation aurait dû être annoncée mercredi 15 avril. Pour l'instant, j'ai rien vu, que ce soit sur le Twitter du Festival Annecy ou sur Allociné. Enfin, j'ai pas trouvé la sélection, donc peut-être qu'ils sont un peu en retard là-dessus. Après, c'est compréhensible hein, avec l'événement. Bah, faut tout réorganiser Voilà, c'est là. ça, il faut vraiment tout C'est réorganiser. une logistique de souris et de clavier, mais C'est il faut clair. mettre tout ça en place. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Donc voilà, c'est le Festival d'Annecy, hein, pour rappel, c'est un festival du film d'animation. Cette année, il aurait dû, enfin, il est, du coup, il est placé sous le signe de l'animation du continent africain. Voilà, il y a plein de, il y a quand même quelques films qui sont déjà programmés, mais voilà, c'est pas encore sûr à 100% que ce sera présent sur la version version en ligne. On en saura plus dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Donc voilà, c'est quand même quelque chose. On va parler après de toute façon du Festival de Cannes, mais le Festival d'Annecy, c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est un festival assez reconnu mondialement. Hein. C'est souvent des films d'animation qui sortent des fois un an après sont présentés pour la première fois au Festival d'Annecy. C'est un festival reconnu dans le monde entier. Donc voilà, c'est dommage vraiment, mais je trouve intelligent le fait de proposer une version numérique de ce festival, déjà parce que ça permettra à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Annecy de peut-être découvrir des choses qu'ils n'ont jamais pu voir. C'est clair. Personnellement, j'en fais partie. J'aimerais vraiment pouvoir assister à ça de façon numérique. Ce serait quelque chose qui me plairait beaucoup. Enfin voilà, en tant que fan d'animation, et je sais que toi, Eddie aussi. Hein. Ah oui, c'est carrément le genre de truc qui peut. Oui. Si j'ai la possibilité de le faire, je pense que oui, j'y jetterai un œil, voire deux même. C'est clair. Donc ouais, c'est quelque chose qui en même temps est un peu est décevant parce que c'est clair que annuler tout ça, ça pose pas mal de soucis, que ce soit au niveau du travail de certaines personnes dont c'est le métier à l'année de préparer ce genre de festival. Et là, du coup, de voir tout annuler enfin tout repenser plutôt, c'est quand même ben voilà, c'est quand même triste, mais en même temps, ça apporte d'autres opportunités qui pourraient être intéressantes dans le futur, je pense. Donc C'est ce qu'il faut se dire, quoi. C'est que voilà. bon, ça nous pousse à découvrir d'autres choses. Et honnêtement, bon, le confinement, c'est chiant, mais il y a plein de bonnes choses finalement qui en C'est ressortent ça, aussi. ouais. Il y a plein de gens qui sont créatifs et tout ça, et qui justement utilisent leur temps en exploitant, enfin en faisant des choses qui n'ont pas le temps de faire normalement, quoi. Donc ça va, je pense, et je voyais ça souvent, par exemple je suivais une chaîne YouTube récemment qui disait c'est sûr que c'est chiant, mais il y a des gens qui ont jamais qui ont des idées dans leur tête toute l'année et qui à cause de leur boulot ils sont fatigués, etc., ils ont pas le temps. Et ben là ils ont un temps à louer et ils peuvent enfin faire ce dont ils rêvent depuis toujours. Donc je pense qu'on va avoir germé du talent vraiment de cette situation, même si, enfin voilà, il y a du enfin c'est horrible, hein, ce qu'on vit actuellement, mais c'est très chiant, voilà, sur le plan social, voilà, exactement, mais en termes de, je veux dire, de hobby, Oui, voilà. Ça dégage quand même du temps. C'est ça, ouais. Exactement. Donc, voilà, le Festival d'Annecy en version numérique, c'est plutôt, moi je trouve, c'est au moins une bonne chose. C'est en tout cas mieux que rien. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà. Et puis, toi, Eddy, je pense que tu. Enfin, ouais, comme tu as dit avant, si on a l'occasion de pouvoir le faire. C'est ça, moi, c'est toujours le problème. Ouais. Hein, c'est que si j'ai la possibilité, je fais. C'est malheureusement, c'est comme les films, c'est la même chose pour les films que je peux pas voir. C'est ça, ouais. c'est toujours le souci tout le temps là, c'est que si c'est diffusé par chez moi, bon, mais y a pas de souci, j'essaie d'y aller. Ouais. Bon, par contre, si j'ai pas la possibilité de le faire, bah, malheureusement, ça peut être obligé de faire une croix dessus. C'est quoi. Sûr, là, ouais. En l'occurrence, je regarderai la programmation, mais c'est vrai qu'il y a certainement des films qui pourront m'intéresser. Et si j'ai la possibilité de les voir, oui, j'essaierai de les voir. Ouais. De toute façon, on verra pour vous tenir au courant de la programmation et de voir comment. Ils n'ont pas encore annoncé la façon dont les personnes pourront voir les films et auront accès au contenu, etc. Donc ça, ce sera plus tard, je pense, quand la date approchera. Donc voilà, on vous tiendra informé de tout ça. On passe à la suite avec une version. On va reparler de version live de chez Disney, hein, parce qu'on adore ça. C'est vraiment notre passion. Du coup, Disney Plus, on en a pas vraiment. On en a parlé un peu dans. Enfin, si vous avez notre ressenti sur le dernier podcast Movies Nerd dans la Minute Nerd de Morgan, où on vous explique un peu tout ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas sur la plateforme. Voilà, ça c'est sorti en France le mardi 7 avril. Du coup, Disney Plus va bientôt s'offrir un autre remake de classique en prise de vue réelle, après celui de La Belle et le Clochard. Selon Deadline, c'est la version animalière de Robin des Bois, sortie en 1974, dans laquelle le héros est un renard et le prince Jean est un lion, qui sera bientôt remise au goût du jour avec des personnages en images de synthèse. Le long métrage n'a pas encore de date de tournage et de mise en ligne, bien sûr, hein, mais un réalisateur pour le moins surprenant, puisqu'il s'agit de Carlos López Estrada, metteur en scène de Blindspotting, qui est un film qui a l'air d'être un thriller assez violent, qui est passé par le Festival du cinéma américain de Deauville en 2018. Dont le dernier bébé, Summertime, a fait du bruit au festival de Sundance en début d'année. Il faut donc croire que Disney fait partie du coup des admirateurs de ce réalisateur, et son contrat aurait été signé en mars, voilà, avant que Hollywood se mette à l'arrêt. Et le film sera écrit par Carrie Grenlon, qui avait déjà signé le scénario de La Belle et Clochard, le remake. Robin des Bois, du coup, devra faire face à un défi de taille pour arriver à rendre ses personnages expressifs, puisque... Après, on sera sur des animaux anthropomorphes. Hein. C'est ça. En fait, le souci, c'est qu'ils peuvent pas faire... Enfin, c'est ce qui est dit dans la news hallucinée, je suis complètement d'accord. C'est, ils peuvent pas jouer la carte du naturalisme comme Le Livre de la Jungle ou Le Roi Lion, puisque là, du coup, les animaux sont anthropomorphes, comme tu as dit. Ils sont debout sur leurs pattes, ça va être beaucoup plus compliqué que... Oui, ils ont des doigts, ils ont des mains... C'est ça. Et du coup, pour rendre ça crédible et pas bizarre, pas uncanny valley, vraiment, ça va être compliqué, quoi, pour... Ils vont nous le faire un peu à la Cats, hein, de toute façon. Oh, mais c'est horrible, Cats, hein. Franchement, Cats, j'ai pas vu le film, mais. Moi, j'ai vu la bande-annonce. Voilà, c'est ça. On a ça vu m'a la... suffi. On a vu la bande-annonce, ça nous a suffi. Hein. Franchement, on n'a pas envie de souffrir plus que ça. Donc... D'autant plus que le film de base est génial, Robin des Bois. Ouais, donc, ouais. Le film d'animation est vraiment super, c'est très drôle, c'est... l'animation est chouette. Les décors, enfin, tout est super. Et là, je sais pas ce qu'ils vont. Nous pondre, moi j'y crois pas trop, hein, personnellement. Ouais. On sait pas encore qui c'est qui prêtera la voix au héros, ni à ses amis adversaires. Et... Mais bon, du coup, c'est une version live en animation. Hein. C'est ce qui semble, ben, de toute façon. Parce que bon, le Roi Lion version live, ça reste un film d'animation malgré tout. Oui, hein. Voilà, c'est pas c'est un ça. Film live, c'est ouais, pas des vrais non, c'est lions, clair. c'est pas des vrais décors, donc du coup, ouais. Le seul vrai ça film. Reste de l'animation. Ouais, le seul vrai film live qu'ils ont fait avec des animaux, c'était clairement La Belle et le Clochard, quoi. C'est ça. et du coup, on sait pas non plus si les chansons du film seront de la partie. Bien qu'elles soient pas. Enfin, elles sont sympas, elles sont mais. Pas très nombreuses. Voilà, dans elles sont film pas très d'animation. nombreuses et elles sont pas super marquantes. Enfin, c'est pas celles qui reviennent tout le temps quand on parle de chansons Non. Disney, c'est clair. Mais voilà. Non, c'est l'humour surtout C'est qui nous beaucoup l'humour, marque. ouais. Et puis il y a quand même tout ce contexte aussi du, bah, enfin, l'histoire de Robin des Bois, voler aux riches pour donner aux pauvres. Donc du coup, ça parle des inégalités sociales et de l'abus de pouvoir. Et non, c'est, il y a des thématiques très intéressantes. Après, là, clairement, c'est pour là, je pense qu'ils vont vouloir jouer sur la film nostalgique et bon, on va leur produire ça parce que de toute façon, les gens ont adoré. Alors qu'il y aurait beaucoup plus d'intérêt, je pense, à faire une version live, par exemple, d'un Taram et le chaudron Oui, magique, qui ouais. serait, Ah oui, alors ça, c'est qui vraiment. pour le coup s'y prêterait bien, et, Ouais, mais bon, du coup, mais ça c'est n'a pas très marché, obscur. donc, Hein. Franchement, ouais. le jour où ils feront des... on annoncera des remakes live de Taram et le chaudron magique, c'est vrai. Ouais. Enfin. C'est vraiment qu'ils auront utilisé toutes leurs idées, mais c'est dommage parce que c'est vraiment un film qui s'y prêterait, comme Atlantis, Atlantide, pardon, qu'est-ce que je raconte, Oui, bon, ça marche aussi en anglais, hein. moi, la planète au trésor, ça pourrait être vraiment sympa, Ah ouais, en live, ce ouais, serait tellement ça chouette. pourrait être vraiment chouette, un vrai film d'aventure comme ça, spatial, ça pourrait être vraiment cool, l'univers en Puis ce plus, serait pas un space opéra, c'est ça qui est bien. oui, voilà, c'est C'est que ça, ça changerait, quoi. ouais. Un film de pirate dans l'espace, là, ce serait super cool, ouais. Non, mais c'est vrai que. Alors que Robin des Bois. En plus, franchement, tout ce qui. Comme tu l'as dit, la force du film, c'est l'humour et c'est aussi le personnage principal, quoi. Robin des Bois, il est vraiment. C'est un renard, donc il est malicieux. C'est ça. Il a vraiment une expression Les personnages sont caractérisés par le fait qu'ils soient des animaux. Et c'est pas pour rien qu'on a mis Petit Jean en ours, Voilà, c'est ça. c'est pas pour rien qu'on a mis le roi Jean En lion. en lion, le persifleur en serpent. Enfin Ouais, voilà, ouais, tout a un sens. ouais. Persifleur en version live, honnêtement, waouh! J'ai pas envie de voir ça. Non, non. Non, mais Donc, c'est... voir des animaux habillés, machin, style Moyen-Âge, en version live, anthropomorphe. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ouais, Ça moi, commence... je suis pas persuadé, quand même. Puis, en fait, au-delà du... Bon, à part, ouais, y a marketing, évidemment, mais je ne vois pas l'utilité du projet, en fait. Je vois pas ce que cette version live-là va apporter aux autres versions qu'on a déjà de Robin des Bois. Celle avec Kevin Costner, avec Russell Crowe, Mais c'est, à mon avis, c'est pour ça qu'ils le sortent sont sur Disney suffisantes, Plus. quoi. Hein. Bah oui. C'est Là, parce pour le que coup, je pense qu'ils n'y croient pas beaucoup. ça, voilà, ils y croient pas, ils vont pas le sortir au cinéma. Donc, c'est pour ça qu'ils se disent, bah, on le produit pour la plateforme. Il y a des gens qui vont le voir et puis voilà. Enfin, les gens qui ont leur abonnement, de toute façon, ils sont curieux, ils vont vouloir voir les. Bah c'est ça, on se dit, Voilà. bon, on paye pas un billet pour le film, quoi. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ben ouais, non, visuellement, moi j'ai très peur, honnêtement. Non, je pense que pour les versions live, il faut s'en tenir quand même au héros humain ou avec Ben, un La Belle et protagoniste. la Bête, ça fonctionnait encore, tu vois. Oui. Mais Mais même un Stitch fonctionnerait. oui, parce que c'est pas un animal Parce qu'il y a qu'on toujours connaît, quoi. Lilo, il y a à côté, bon, dans Stitch, il y a des aliens, mais en soi, déjà, c'est quelque chose de plus courant. Là, le problème, c'est que c'est des animaux, ça va. En fait, il n'y aura pas d'intérêt. En fait, les animaux anthropomorphes fonctionnent dans l'animation Parce que l'animation permet justement ce fantasme-là de faire interagir des animaux entre eux comme des êtres humains. Le Roi Lion fonctionne en... Bon, le Roi Lion est mauvais, la version live est mauvaise, mais je veux dire, ça fonctionne quand même parce que ben, dans le film de base, ce sont déjà des animaux classiques et qui vivent des aventures humaines. Mais Robin des Bois, oui, en soi, c'est déjà. Il y a déjà. En soi, Robin des Bois, c'est déjà un concept. Oui, C'est c'est comme clair. Zootopie, c'est pareil, c'est un Ouais. concept en soi. Et c'est pas forcément un concept qui se prête à la version live. Oui, c'est ça. Tout comme Cats, du coup. Ah oui, clairement. Et puis même le livre de la jungle, c'était aussi des animaux qui étaient à leur proportion qu'on connaît. Ils n'étaient pas anthropomorphes. Bah, les seuls finalement qui se comportaient vraiment comme des humains, c'était Balou. Mais Balou, c'est un ours, donc l'ours, même s'il ne marche, il marche pas sur deux pattes, se tient parfois sur deux pattes. Et puis c'était le roi Louis qui est un primate. Donc ces personnages-là, on leur faisait faire des actions humaines, mais pas à Bagheera, ni à Ka, ni à Shere Khan, non. Ouais, non, Donc mais... c'était intelligent, quoi. Oui. Déjà, rien que de voir un renard avec des doigts humains. Mais ça va être très bizarre, hein, Ouais. honnêtement. Ouais, franchement, en même temps, j'ai un petit peu hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Mais en même temps, je comprends pas Bah, dans un l'idée. sens, c'est vrai que ça rend curieux, Ça parce qu'on se dit comment ils vont arriver à rendre ça intéressant et est surtout légitime, quoi. crédible, quoi. Parce Qu'est-ce que que... cette version va vraiment apporter à l'autre? Non, mais de toute façon, ça va rien apporter. Hein. Non. C'est, enfin, à moins qu'il fasse un petit peu. Bon, ce qui me rassure un peu, c'est que c'est quand même la personne qui a écrit le remake La Belle et Clochard, enfin remake live de La Belle et Clochard, qui avait réussi quand même à, tout en prenant le matériau de base, en faisant quelque chose de un peu plus moderne, mais tout en respectant le matériau de base justement. Et là, s'il fait à peu près la même chose, ça pourrait être bien. Moi, ce qui me fait peur, c'est visuellement, c'est tout. Voilà. C'est ça. Ok, ben voilà, on a tout dit, tout ce qu'on pensait de cette version. On verra bien ce que ça donnera. De toute façon, c'est pas prévu pour tout de suite, hein. Oh non, non, non. Voilà. Donc, on va parler ensuite. Du coup, on parlait avant du festival d'Annecy, et là, on va vous parler du festival de Cannes. Du coup, le Festival de Cannes 2020 devait initialement se tenir du 12 au 23 mai 2020, et la majeure partie de la section officielle devait être annoncée le jeudi 16 avril. Dans un communiqué, le festival indique réfléchir à une nouvelle forme pour l'édition 2020 et prennent acte que le report envisagé à fin juin, début juillet pour la 73e édition n'est plus possible à cette date. Puisque voilà, tout type d'organisation, enfin, Les voilà, rassemblements sont les toujours interdits pour rassemblements l'instant. de type festival, concert, sont au moins jusqu'à mi-juillet 2020, sont Au interdits. moins, mais ce Voilà. sera sûrement après. Voilà. C'est clair que voilà, le festival de Cannes pour l'instant, enfin, il pense à de nouvelles manières. On a eu aussi le fait que ensuite, en fait, après cette annonce du festival de Cannes, les sélections parallèles du festival, qui sont la quinzaine du réalisateur, la semaine de la critique et la CID, ont annoncé qu'ils annulaient leur édition 2020. Donc il n'y aura pas tout ça au Festival de Cannes déjà. Et ensuite, le marché du film, qui est quand même... C'est un rendez-vous assez incontournable chaque année pour les professionnels justement du cinéma, puisque ça permet aux vendeurs, producteurs, distributeurs institutionnels et autres professionnels de l'industrie, de permettre d'acheter des films, de participer au financement de certains, voilà. Et du coup, ce marché du film, enfin, le marché du film a annoncé que à partir du 22 au 26 juin prochain, l'événement sera ouvert virtuellement aux professionnels, du coup, avec des accréditations au prix de 95 € pour le tarif Early Bird, qui est jusqu'au 29 mai, et sinon c'est 195 € le tarif normal. qui sera sur tous les jours en entier. En plus de ça, il y aura des rencontres et la mise en relation des participants via des visio live, des projections en ligne sécurisées, des stands virtuels, des pavillons dématérialisés, des programmes et conférences, des speed meetings autour de compositeurs, éditeurs de livres et producteurs, ainsi qu'un espace Cannes XR dédié à la VR et aux expériences immersives. Pour Jérôme Payard, qui est directeur délégué du marché du film, ce marché online ne remplace pas l'expérience cannoise, mais essaye de recréer en partie en ligne son essence en offrant aux professionnels une plateforme efficace et performante pour montrer des films, les acheter, financer et trouver des partenaires. C'est aussi l'expérimentation d'un nouveau modèle de marché qui permettra à des professionnels justement qui n'avaient pas les moyens ou le temps de venir à Cannes d'y participer. Pour ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant, le Festival de Cannes n'a rien annoncé pour sa partie majeure, c'est-à-dire sélection, tout ça. Ça, on n'en sait rien du tout, ce qui va se passer, s'ils vont proposer des films comme pour le marché du film, avec des projections sécurisées, etc., en ligne. On n'en sait rien. Ils sont toujours à l'étude. Pour ce qui est de la semaine de la critique, la quinzaine des réalisateurs, toutes ces sélections parallèles au Festival de Cannes sont annulées complètement. Je trouve que la manière dont le marché du film, faudra voir la plateforme. Après, on va pas y avoir accès, nous, spectateurs lambda. Hein, c'est vraiment pour ceux qui, par exemple, Netflix va au marché du film pour voir quel film il va mettre sur sa plateforme, pour prendre un exemple banal, mais c'est pas que Netflix, c'est tout le monde. C'est les producteurs qui cherchent des films à produire ou des choses comme ça. Heureusement que ça se tient encore en place, ce marché du film, parce que c'est clairement quelque chose qui permet de faire vivre les acteurs du cinéma, que ce soit les réalisateurs, enfin toutes les petites mains du cinéma. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et en plus, le fait que des producteurs qui, justement, peuvent pas se permettre d'aller jusqu'à Cannes, parce qu'il y a des producteurs partout dans le monde, qui permettent de découvrir des films qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de découvrir et peut-être de proposer de nouvelles choses, ça va apporter encore des nouvelles idées, des nouvelles manières d'interagir et tout ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et je trouve que le Festival de Cannes devrait prendre exemple sur son marché du film et peut-être proposer quelque chose comme ça, quelque chose qui soit... C'est clair que ça va pas remplacer... Le tapis rouge, tout ça, hein, c'est clair, voilà. Ce sera un festival de Cannes, mais sans le strass et les paillettes. Voilà, c'est ça. C'est tout... Moi, personnellement, c'est ce dont je rêvais. Parce que je m'en fous complètement des strass et des paillettes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me passe au-dessus de la tête. Et je trouve que même on en fait un peu trop là-dessus, sur le festival de Cannes. Et souvent quand on parle du Festival de Cannes, que ce soit dans les médias généralistes plutôt, on parle plus de ce qui s'y passe plutôt que des films qui sont présentés. Et du coup, là, on va peut-être plus se focaliser sur le cinéma et c'est peut-être pas une mauvaise chose, quoi. Donc, moi, je trouve qu'ils devraient prendre exemple sur leur petit frère, le marché du film, et proposer quelque chose un peu dans ce style-là. Avec bien sûr des projections sécurisées en ligne, puisque on voudrait pas que quelqu'un fasse un vieux screener de son écran pour mettre le dernier Tarantino en ligne. C'est pas l'idée, quoi, mais ça pourrait totalement être jouable et techniquement c'est faisable, puisque le marché du film le fait, c'est faisable. Toi, tu en penses quoi de tout ça, du coup? Globalement, la même chose que toi, là, pour le coup. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire, de toute façon. Maintenant, à voir ce que ça donnera. Mais déjà, c'est bien qu'ils se donnent les moyens de le faire, quoi. C'est ça. Déjà, le fait de... Ça va être dur, hein, parce que créer une plateforme en ligne comme ça, en partant de rien, pour justement le 22 juin, c'est quand même une petite deadline. Donc on va voir comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien, mais je pense que même après cette crise sanitaire, ça pourrait peut-être être intéressant de le refaire à petite échelle s'ils préfèrent faire en live, mais enfin en vrai, mais je pense que c'est une bonne opportunité, justement, comme je l'ai dit, pour les plus petits producteurs qui n'ont pas les moyens de se déplacer à Cannes, tout simplement. Voilà, donc et même ceux qui veulent présenter leur film mais qui n'ont pas les moyens non plus de se déplacer à Cannes. Ce qui est quand même un petit investissement, hein, parce qu'il faut payer, faut payer l'hôtel. Le ticket, 195 euros pour accéder au marché du film, et après tu payes l'hôtel, tu payes le trajet, tu payes... C'est ça, tu payes ton stand, tu payes... enfin voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte financièrement, donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, je pense, t'as rien d'autre à rajouter ? Non. Très bien. Passons à la suite avec la dernière news. Qui concerne, c'est plus du coup, on a eu des nouvelles images du Dune, de l'adaptation de Dune par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet. Le film, il est prévu pour sortir le 23 décembre 2020. Cette nouvelle version de Dune peut se targuer d'avoir du coup un casting assez alléchant. Comme je l'ai dit, Timothée Chalamet qui campe le rôle titre de Paul Atreides, Zendaya qu'on a vu dans les derniers Spider-Man qui jouait MJ. Incarne Shani. Les deux jeunes acteurs sont entourés de Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac, Jason Momoa, Javier Bardem, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling et Max von Sydow. Sharon Duncan Brewster. Voilà. Donc, on a les premières images. Je vous invite à aller sur l'article de ce podcast et de regarder les images, parce que ce sera plus parlant que de nous les expliquer. Ce qu'on sait de plus aussi sur ce film, c'est que Denis Villeneuve a, avec l'accord de Warner Bros. Et à l'instar de ça, Dune sera donc en deux parties, puisqu'il a annoncé qu'il souhaitait respecter la profondeur de l'œuvre et qu'il ne pouvait pas le faire en un seul film. Pour lui, le monde de Dune est trop complexe et c'est un univers qui prend toute sa puissance dans les détails. Et je suis totalement d'accord avec lui. Pour le coup, oui, c'est vrai. Hein. Oui, c'est vrai. C'est clairement quelque chose qui est... Enfin, honnêtement, en l'ayant lu une fois, j'ai envie de le relire une deuxième fois parce que j'ai compris, je pense, même pas la moitié. Tellement il y a de choses qui se passent dans ce bouquin et qui sont extraordinaires. Mais il y a vraiment... beaucoup de choses qui s'y passent, c'est très très intéressant à lire. Moi j'adore ce bouquin. J'ai lu que le premier, mais rien que le premier, sur un format poche, il fait 600-700 pages. Voilà, c'est quand même un petit pavé. C'est non-stop. Clairement, les informations qu'on te balance à la gueule, mais en même temps, c'est tellement passionnant que tu peux pas te dire ah c'est trop j'en peux plus, tu fais avec et tu dis bon ben c'est pas grave si j'ai pas compris ça tout de suite, je comprendrai plus tard, et finalement tout se met en place et à la fin tu comprends quand même pas mal de choses, même si moi j'ai senti que j'étais passé à côté de 2-3 détails importants qui pouvaient me permettre de comprendre un peu plus l'univers, mais c'est justement en ça que je trouve le fait de séparer le premier bouquin en deux films, c'est très intéressant de le faire comme ça, et je suis impatient de voir à quel moment il va couper le film, c'est tout. C'est comme pour les fans de Harry Potter, quand on a annoncé que le 7 était coupé en deux, je pense qu'ils étaient impatients de savoir où est-ce que ça allait se couper. On voyait le truc venir un petit peu. Mais... Ouais. Oui, c'est vrai. Enfin, bon, j'ai pas lu le bouquin, mais... Ça s'arrête assez justement, je trouve, dans le set partie 1. La coupure est judicieuse. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je prends aussi un autre exemple pour The Hobbit, qui a été mal découpé, je trouve. Pour le coup, ouais. Voilà, malheureusement. Ça allait jusqu'au 2, et après au 3, c'est un peu parti en couille, personnellement, je trouve. La coupure, si, entre le premier et le deuxième, ça va. Oui, non, je dis, pour moi, le 1 et le 2 sont des traits... La coupure du 2 est un peu... Elle est trop brusque. Elle est trop brusque et elle sert un peu... Enfin, elle sert à rien parce que dans le 3, t'as juste la fin, ces 10 minutes qui auraient pu largement être à la fin du film. Oui, mais bon. Voilà. Fallait justifier le troisième. Ouais, fallait justifier vraiment le fait d'en faire un 3 parce que. Ouais, bref, voilà. Du coup, moi, je suis emballé. Les designs sont. Enfin, franchement, les images, moi, je les trouve sublimes. Les personnages correspondent vraiment beaucoup à ce que. Aux descriptions de Frank Herbert, hein, qui est quand même l'auteur, je ne l'ai pas rappelé, du livre Dune. Les costumes, tout ça, c'est vraiment très. Ben, tu sens la fidélité et tu sens que ben, Denis Villeneuve, il sent l'importance de son boulot. Enfin, il sent toute la pression des fans sur ses épaules, je pense. Et du coup, il fait vraiment tout attention à respecter la moindre des choses, comme il l'avait fait pour Blade Runner 2049. Puisqu'il s'était aussi attaqué quand même à quelque chose, à un monument de la science-fiction, et là il se réattaque à un autre monument de la science-fiction, donc voilà. Moi j'ai totale confiance en lui, et le casting me vend du rêve, les images me vendent du rêve, et je suis très très impatient de le voir. Le film, alors j'ai une date de sortie pour le 23 décembre 2020, on espère que ce sera toujours le cas, mais voilà. En tout cas, voilà. Toi, Eddy, est-ce que tu es curieux au moins? Oui, parce que enfin, moi j'avais vu le film de David Oui, Lynch. en plus, moi je l'ai toujours pas vu d'ailleurs. Je Il l'avais va sortir vu. sur Netflix d'ailleurs Oui, voilà, prochainement. il arrive bientôt sur Netflix. Ouais. Alors c'est très compliqué. Alors déjà c'est du Lynch, donc forcément Ouais, c'est en fait, particulier. c'est vraiment le camoulox complet, en fait, le fait d'avoir fait Ouais. adapter Dune par Lynch, c'est quoi. Mais en soi, je pense pas que ça soit une mauvaise Non, adaptation. En non, plus, ouais, c'est je ça pense qui est pas, enfin. surprenant. Mais c'est déjà, c'est un bon. Déjà, l'œuvre en elle-même n'est pas facile à aborder. Ouais. Mais en plus, de la part de Lynch, c'est très, c'est complexe, quoi. Oui, voilà, bah c'est du Lynch, Moi, hein. j'ai vu ça quand j'étais petit et quand j'étais petit, enfin non, j'étais ado, quoi. J'avais, je sais pas, j'avais 12-13 ans. Mais du coup, non, clairement, j'avais pas l'âge qu'il fallait pour appréhender ça, hein. Ouais. Mais j'ai toujours en tête, quoi, L'univers. l'univers, ouais. Oui, ça m'avait assez marqué. Et en l'occurrence, bah là, oui, les images. C'est drôle parce que du coup, je me rends compte que dans le film de Lynch, les costumes étaient assez proches déjà de ce qui est présenté dans la version de Villeneuve. Mais du coup, oui, la version de Denis Villeneuve a l'air assez prometteuse. Ouais. Je pense que j'essaierai de me laisser tenter, voir ce que ça donne, quoi. D'accord, ouais, très bien. Ben, ouais. Moi, justement, j'ai vraiment envie de le voir, ce Dune, et ben, du coup, le fait qu'il soit sur Netflix prochainement, je Je pense sais que plus je me. exactement, mais ça va vraiment pas tarder, je crois. Ouais, non, c'est très prochainement, et il y a plein d'autres films vraiment sympas qui vont sortir de plein de réalisateurs qu'on aime bien, donc c'est cool. Ouais, non, du coup, moi, les photos me laissent très. Enfin, je suis très enthousiaste. Et puis oui, comme tu disais, enfin les costumes, j'avais vu les images, j'ai quand même vu quelques images du film de Lynch, et bah en fait c'est exactement ce qui est décrit dans les bouquins, hein. C'est de la technologie vraiment étrange, hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films de science-fiction. Et du coup, ben, par exemple, pour produire de l'eau, puisqu'ils vivent dans un désert constant, ben, c'est un peu dégueulasse, hein, mais ils utilisent leur transpiration pour la filtrer et puis la boire après, parce que c'est le seul moyen de trouver de l'eau. Et juste des petits trucs comme ça, enfin voilà, des choses de technologie qui sont rarement évoquées dans la science-fiction et surtout au cinéma, ben, je trouve que voilà, ça va, je pense que ça va être super. Voilà, je suis très impatient de le voir, en tout cas. Voilà. Ben, du coup, on a fini ce Parlons Cinéma épisode 39. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci à Eddy, merci à toi d'avoir Ah, participé de à ce rien. podcast. C'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés pour parler de tout ça. Et puis, ben, je vais vous rappeler où vous pouvez nous retrouver sur Internet. Donc, moviesnerd.net, c'est le site où on a nos critiques, nos émissions audio-vidéo. Voilà, on a des choses dans les cartons, tout ce que je peux dire. Voilà, ça arrivera peut-être prochainement, on verra. Et ensuite, vous, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Movies Nerd, sur Twitter, Movies _ Nerd, sur Instagram, Movies Nerd _ officiel. Vous pouvez nous contacter sur contact@moviesnerd.net pour toutes questions, suggestions, etc. Pour noter le podcast, c'est sur Apple Podcast, Parlons Cinéma, voilà, pour nous faire monter dans les classements des podcasts cinéphiles francophones. Et ensuite, vous pouvez écouter ce podcast sur PodCloud, iTunes, TuneIn, Spotify, Deezer, toutes les plateformes de podcasting normalement. Le podcast y est. Et puis moi personnellement, vous pouvez me retrouver sur Sens Critique, sur Movies Nerd, sur Twitter, sur Steam, et c'est TheLexal, THELEXAL. Voilà. Eddie. Moi c'est pareil, c'est sur Twitter, sur Facebook, sur Facebook non, sur le Facebook, c'est la page Facebook de Movies Nerd, Et sur Movies Nerd et Sens Critique, et c'est Eastark. Parfait, voilà. Donc, merci encore à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Et puis, on vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain Parlons Cinéma. Ciao. Salut. Great big old time.